Bonjour. Alors tu prends ta guitare, tu joues des accords avec ta guitare, et moi je prends la basse, et moi je prends la basse, et moi je prends la basse. Ah merde, ça c'est pour le synthèse. Et moi je prends la basse. Est-ce que tu veux une basse?